Deux légendes de la boxe vont s'affronter en fin de semaine. Roy Jones va affronter Mike Tyson. C'est probablement une des vraies farces, c'est au moins la farce de l'année dans le monde du sport. On en parle avec notre collaborateur Bernard Barré. Salut Bernard. Salut Danny. Bernard, d'abord, c'est vraiment une farce. Écoute, qu'est-ce qui motive ces deux gars-là qui ont eu des carrières brillantes? À remonter dans le ring à 53-54 ans. Ben, tu sais, c'était des grandes, grandes vedettes, des méga stars. Puis à un moment donné, on en a parlé déjà au fil des années, les lumières s'éteignent un peu, là, tranquillement, quand tu laisses, là, t'as plus de championnat. Mais à un moment donné, eux, là, ils ont toujours vécu sous la lumière pendant tellement sous les projecteurs. Puis à un moment donné, ils veulent revenir, là. Ça leur manque, c'est comme une drogue. C'est sûr que là, de mettre deux quinquagénaires sur le ring, deux quinquagénaires qui ont fait des grandes carrières, des carrières où ils étaient tranchants. Si on prend la fiche de Mike Tyson, 50 victoires, 6 défaites, 44 victoires par knockout. Dans le fond, c'est à son pain et son beurre. On allait voir Mike Tyson. Pourquoi? Pour qu'il passe son adversaire knockout. Si on prend la fiche de Roy Jones, 66 victoires, 9 défaites, 47 victoires par knockout. Donc, on est dans les mêmes eaux. On a deux cogneurs, deux gars qui se débarrassaient de leurs adversaires. Puis là, ils s'en vont dans un genre d'exhibition où ils doivent pas se knocker. Il n'y a pas de juge officiel. Il n'y a pas de gagnant annoncé. C'est des 8 rounds de 2 minutes. Et puis, des gants de 12 onces. C'est dénaturer leur carrière, finalement. Ouais. Donc, on s'en va vers une exhibition. Moi, j'espère juste qu'il n'y aura pas des tomates qui vont être lancées à la fin, parce que les gens qui vont embarquer là-dedans, les gens qui vont payer 50 $, c'est pas les vrais connaisseurs de boxe, c'est pas les mordus. Les mordus, ils n'ont pas d'intérêt. Les mordus, là, ils n'ont pas d'intérêt. Pour ça, ils ne mettront pas 50 $, ils sont ailleurs. Mais les gens qui entendent ça à gauche, à droite, ne connaissent pas trop ça. Wow, Mike Tyson, wow, Roy Jones, ils ne savent pas trop où ils sont rendus. Eux autres vont être tentés. Bon, là, ils disent qu'ils vont ça, ils vont envoyer, beaucoup d'argent va être envoyé aux œuvres de charité. Ben, on peut applaudir à ça. Mais c'est sûr que pour notre sport, on ne sera pas gagnant là-dedans. Ah, c'est sûr. Est-ce que c'est une question d'argent? Parce que Mike Tyson, il était un petit peu roulé. Tu sais, l'histoire le dit, là, que c'est un gars qui a fait beaucoup d'argent, mais son aura en dehors du ring, on repassera. C'est pas nécessairement le gars le plus brillant. Est-ce que ça peut être une question d'argent qui motive ces deux gars-là à retourner sur le ring? Mais là, on parle d'argent aux œuvres de charité. J'imagine aux œuvres de charité, il va y avoir une couple de millions qui va tomber dans leur poche. Donc, c'est sûr que je pense que ça a un impact majeur, le pourquoi de ce combat-là. Tout comme, j'ai dit, le manque d'attention, même si c'est des mégastars partout d'où ils vont, les gens se pitchent pour aller les approcher. Il demeure qu'eux autres, cette drogue-là, là, ils l'ont plus là, comme ils l'ont déjà vécu, puis ils veulent la revivre là, avant qu'il soit trop tard. Effectivement. Mais Roy Jones, pourtant, il est analyste à la télévision américaine. Donc lui, il est très bon d'ailleurs. Analyste, il est très bon. Écoute, ces gars-là sont occupés, là. Ils n'ont pas besoin de ça. Mais qu'est-ce que tu veux, à un moment donné, ils sont en manque d'attention, pourquoi? Ben, c'est clair. Donc, ça coûte 49,99 $. J'ai l'impression qu'il n'y aura pas grand monde qui vont se payer ça au Québec. Il y en a énormément. Ah ouais? Énormément qui vont acheter ça. Je te le dis tout de suite, ils vont faire beaucoup, beaucoup de millions avec ça. Parce que monsieur, madame, tout le monde, eux, entendent parler de ça, ne savent pas trop. Puis ils vont s'asseoir devant leur TV. Puis, tu sais, les connaisseurs du dimanche, là, ouais. Eux autres vont être tentés. Là. Ceux qui ne connaissent pas vraiment la boxe, mais qui s'intéressent à la boxe, eux vont être tentés. Puis ça, là, c'est la grande majorité. OK. Si on parlait maintenant de Klim Clavel qui est au Mexique, au moment où on enregistre le podcast, c'est la pesée officielle. Évidemment, elle est au Mexique parce qu'on sait ce qui se passe au Québec. C'est très de plus en plus difficile de faire de la boxe. Il y en a eu la semaine passée dans une zone à Rimouski. Par contre, c'est ça qui est ça. Son combat, est-ce que c'est un combat important pour elle, pour possibilité de combat de championnat du monde? Ben là, elle commence à se classer à le titre nord-américain, là, le NABF. Ouais. Donc, on ne peut pas se permettre d'aller là puis perdre, là, parce que là, elle va sombrer dans l'oubli. Bon, elle a 30 ans aussi, là, dans les petites divisions de poids, ça va vite. Puis on sait que la première chose qu'on perd comme individu, c'est la rapidité. Donc, ça, c'est une de ses forces. Elle, qui a eu une belle carrière chez les amateurs, c'est 5 fois championne canadienne. Elle fait environ 80 combats. Elle était cinquième au monde international. Elle a déjà gagné une médaille d'or à un championnat continental. Puis elle a participé 2 fois au championnat du monde. Puis là, sa carrière professionnelle va vraiment bien avec 12 victoires en 12 combats. En plus, elle a remporté le prix Pat Tillman Award, le sportif le plus impliqué. Il a une implication d'un sportif dans la pandémie. On sait qu'elle est infirmière. Mm. Et puis, elle vient d'être mentionnée la semaine passée par le Time Magazine comme un des 10 leaders de la nouvelle génération. Donc, elle a une popularité qui sort de l'ordinaire. Elle est jolie aussi, puis elle n'est pas une mineuse. On ne l'a pas vu venir. Cette couverture-là internationale qu'elle a réussi à avoir. Donc, qu'elle était capable, là, d'aller chercher 2 ou 3 victoires, puis de se battre en combat de championnat du monde, puis devenir championne du monde. Mais là, c'est certain qu'elle va attirer beaucoup l'attention. Écoute, à son dernier combat contre Nathalie Gonzalez, son combat était dans la bulle à Las Vegas, là, sur HBO. Là. Donc, elle a vécu des gros événements. Puis son adversaire, c'est plus que son adversaire. Tu regardes sa fiche, 3 victoires, 8 défaites, un combat nul. Donc, elle est choisie, elle est bien choisie. Mais c'est un adversaire qui est durable, elle n'a jamais été arrêtée. Okay. Et puis, elle fait des combats où elle n'est pas protégée. Là. Si on regarde les fiches de ses derniers adversaires, 24 victoires, 2 défaites, 28 victoires, 3 défaites, 10 victoires, aucune défaite. Donc, ça donne une idée un petit peu que la fille est là pour faire travailler la fille en face d'elle. Donc, pour Kim Clavel, il n'y a pas vraiment beaucoup de danger. La fille n'est pas considérée comme une cogneuse. Elle n'a jamais arrêté personne. Elle ne s'est jamais fait arrêter. Donc, okay. Pour elle, je pense que ça va être une belle occasion de rester active parce que là, quand même, elle a grimpé dans le top 15 mondial pour s'obtenir dans ces eaux-là puis éventuellement partir le top 10. OK. Si on parlait maintenant, mais c'est vraiment pas facile dans son cas, là. Puis, comme tous les boxeurs, Marielle Duquet est en attente d'un combat comme Shields. Son Clarke Shields, ça devait se faire en décembre, ça n'aura pas lieu. C'est vraiment pénible pour les boxeurs. Comment vous faites pour garder toute la morale, même pour le groupe et ainsi de suite? Là, c'est pas facile. Tu sais, je parlais d'un journaliste qui a couvert le combat de Ulysse la semaine dernière et puis il disait. Il faut garder contact avec tous ces athlètes-là. Mais tu sais, on n'est pas les seuls à subir ça, mais il y en a qui en meurent. Fait que. De notre côté, il faut les garder motivés, ce qui n'est pas évident. C'est les plus forts qui vont sortir de là vainqueurs en étant dans le gymnase, en ne perdant pas leur focus. Mais tu as bien raison qu'il y en a une couple qui vont lever les feux et qu'on ne verra plus. Ou quand ils vont venir, ça ne valera pas cher parce qu'ils vont être démotivés puis le temps de revenir. C'est là-dedans, là, faut pas que tu t'abstendes longtemps à ce niveau-là pour que la chaîne débarque. Vous avez le droit de vous entraîner parce que j'écoutais le hockey, les joueurs du Canadien, ils ont plus ou moins ils peuvent pas s'entraîner. Les gymnases, pas pareil? Ben, je te donne un exemple, les fédérations sportives. Bon, dans les fédérations sportives, un entraîneur, un athlète. Un entraîneur, un athlète. Donc, tu peux pas t'entraîner en groupe. Donc, c'est un entraîneur, un athlète. Puis en boxe professionnelle, ben, tu sais, les athlètes, là, à un moment donné, la porte est barrée, là. C'est que tu cognes pour rentrer, là. Pas sûr de qu'est-ce qui se passe là, j'aime autant pas le savoir, mais c'est sûr qu'on peut pas penser que Marie-Pierre Roule puis que Kim Clavel sont en allée là, puis qu'ils ont un matériel de sparring, puis qu'ils sont pas préparés pour ça, puis qu'ils s'en vont là pour le fun, là. Donc, tu sais, on en parle, nous autres, là, mais sincèrement, on sait rien. Là. C'est pas on aime autant rien savoir. Ben, c'est sûr. C'est quelle histoire. Maintenant, gros merci. Au plaisir de se parler quand l'actualité de la boxe va l'exiger. Évidemment, on va se parler durant le temps des fêtes pour la rétrospective qu'on fait habituellement. Bon, ben, bonne fin d'émission. Notre ami Bernard Barré.